La baronne baissa son voile et s'assit. Un pas pesant ébranla le petit escalier de bois, et Adeline ne put retenir un cri perçant en voyant son mari, le baron Hulot, en veste grise tricotée, en pantalon de vieux molleton gris et en pantoufles. « Que voulez-vous, madame ? » dit Hulot galamment. Adeline se leva, saisit Hulot et lui dit d'une voix brisée par l'émotion « Enfin, je te retrouve !»« Adeline ! » s'écria le baron stupéfait qui ferma la porte de la boutique. « Joseph ! » cria-t-il au fumiste, « allez-vous-en par l'allée !»« Mon ami ! » dit-elle, oubliant tout dans l'excès de sa joie, « tu peux revenir au sein de ta famille, nous sommes riches ! Ton fils a 160 000 francs de rente, ta pension est libre, tu as un arriéré de 15 000 francs à toucher sur ton simple certificat de vie. Valérie est morte, en te léguant 300 000 francs. On a bien oublié ton nom, va. Tu peux rentrer dans le monde, et tu trouveras d'abord chez ton fils une fortune. Viens, notre bonheur sera complet. Voici bientôt 3 ans que je te cherche, et j'espérais si bien te rencontrer que tu as un appartement tout prêt à te recevoir. Oh, sors d'ici, sors de l'affreuse situation où je te vois. » « Je le veux bien, » dit le baron étourdi, « mais pourrais-je emmener la petite ? Hector, renonce à elle. Fais cela pour ton Adeline, qui ne t'a jamais demandé le moindre sacrifice. Je te promets de doter cet enfant, de la bien marier, de la faire instruire. Qu'il soit dit qu'une de celles qui t'ont rendu heureux soit heureuse, et ne tombe plus ni dans le vice ni dans la fange. » « C'est donc toi, reprit le baron avec un sourire, qui voulais me marier. Reste un instant là, dit-il, je vais m'habiller là-haut, où j'ai dans une malle des vêtements convenables. » Quand Adeline fut seule, et qu'elle regarda de nouveau cette affreuse boutique, elle fondit en larmes. « Il vivait là, se dit-elle. Et nous sommes dans l'opulence. Pauvre homme, a-t-il été puni, lui qui était l'élégance même ?